peux pas me clasher, j'ai le cœur archi blindé. Tu peux pas me clasher, t'auras pas d'os à ronger. Tu peux pas me clasher, j'ai le cœur archi blindé. Tu peux pas me clasher, t'auras pas d'os à ronger. Si tu veux me clasher, ma mère en premier, tu peux te lâcher, elle aime se faire lécher. Si tu veux la baiser, t'as le feu vert. Au père la chaise, elle t'attend au cimetière. En deuxième, la façon de me saper, tout froid s'est dépassé, moi j'ai pas de fer à repasser. Un goût à chier, une paire de Gucci, contrefaçonné, bicrabe au plus de clic-clic. En trois, mon flow de guignolo, mon rap d'alcoolo qui se bat comme du bon lolo. Un style de charcot, des rimes de crindo, dilué dans du bon diabolo. En quatre, tu veux me battre à la batte, me faire miauler comme une chatte. Si tu veux mettre chez Kémat, le psychopathe des Carpates, poteau, faut mettre la main à la patte. En cinq, tu me désingues avec un son dingue qui chaîne le bang bang qui défonce mes enceintes. En six, tu t'en prends violemment à ma putain de sale race de blanc, à ma putain de religion, à mes putains de parents. N'oublie pas les morts, les absents ont toujours tort. En sept, à la machette, tu me découpes en boulettes. Tu m'appelles ma poulette, puis tu me raquettes comme une grosse tapette. Comme sur des roulettes, tu me jettes aux oubliettes. En huit, tu veux je te suce la bite, Gilles de la Tourette, ah ouais, là t'es limite. Tu m'élimines à la dynamite. Tu me lâches ton pitch, je vais entendre tes balles qui crépitent. À la shérif, fais-moi peur, vas-y, fais-moi couler la sueur. Tu peux pas me clasher, j'ai le cœur archi blindé. Tu peux pas me clasher, t'auras pas d'os à ronger. Non, tu peux pas me clasher, j'ai le cœur archi blindé. Tu peux pas me clasher, t'auras pas d'os à ronger. En neuf, j'ai une tête de keuf, une tête de bœuf ou une tête d'œuf. Il faut que ça chauffe, moi je suis pas ton ref. C'est pas la teuf, vas-y arrête ton bluff. Si tu veux m'en mettre plein les seufs, arrête de sniff et fais-moi du snuff. En dix, body, dis pas de bêtises. Dans ce bis, faut rester froid comme Mr. Freeze. La haine s'attise comme une gourmandise. Ouais, fais péter ton lascar, sors-moi des mots bizarres. Tu t'as pas l'oubli du vrai putain de gangster. En onze, si tu oses, mets-moi une dose de bronze que ma tête explose. Lâche la pose, écris pas comme tu causes. Si tu veux que je comprenne quelque chose, pas d'onomatopique, pas de brutal. Clash-moi en live, sans trucage. En 12, je m'attends au moins à une partouze. Minimum, une tarlouse, une tafiole, une gueule de tentouse. Sors ton calibre 12, qu'on en découse. En 13, wesh tu me baises, fais-moi peur comme dans Massacre à la tronçonneuse. Silence des agneaux, ouais c'est pas de mon niveau. Si tu veux que je finisse la gueule dans le caniveau. En 14, ce sera comme 14-18. Je prends la fuite, j'ai pas envie d'entendre la suite. Non je gomme, je resterai là bien sage. Avoir ta face de singe cafouille dans le numéro 15. Il prend plus qu'une occasion, vas-y mets les gaz. Mets-moi le moral à zéro, là je te dirai bravo. En 16, tu me rebaises, ça fait répétitif un peu comme la Marseillaise. Prends une chaise, fais pas de malaise. Tu marches pas sur la tablaise, mais sur de la braise. Tu peux pas me clasher, j'ai le cœur archi blindé. Tu peux pas me clasher, t'auras pas d'os à ronger. Tu peux pas me clasher, j'ai le cœur archi blindé. Tu peux pas me clasher, t'auras pas d'os à ronger. Tu peux pas me clasher, j'ai le cœur archi blindé. Tu peux pas me clasher, t'auras pas d'os à ronger. Tu peux pas me clasher, j'ai le cœur archi blindé. Tu peux pas me clasher, t'auras pas d'os à ronger, non.